Nous allons maintenant aborder la notion d'histoire. L'histoire fait partie des notions associées à la culture. On a vu dans le cours sur la culture que celle-ci pouvait être analysée selon trois aspects. On a d'abord considéré que la culture renvoyait à l'exploitation et à la transformation de la nature. En effet, culture vient du latin cultura, dérivé du verbe colere qui signifie cultiver. Le point de départ de la culture humaine, c'est en effet bien l'invention de techniques et le travail accompli par les êtres humains pour se procurer des moyens de subsistance qui les conduisent à modifier leur environnement et à se changer eux-mêmes. Ensuite, on a vu que la culture renvoyait au système de normes et de valeurs partagées au sein d'une collectivité humaine. Cet aspect est lié au précédent. Le travail et la technique reposent sur la coopération. Or, la coopération nécessite des règles communes et repose sur des représentations partagées favorisant l'unité du groupe. Enfin, on a considéré que la culture renvoyait à l'éducation, dans la mesure où les normes culturelles, tout comme les savoir-faire techniques, n'étaient pas innées, mais supposaient un processus d'acquisition par les individus et de transmission entre les générations. La culture se manifeste ainsi au travers de pratiques collectives et de productions matérielles, outils, vêtements, bâtiments, œuvres d'art, et symboliques, c'est-à-dire des représentations collectives ou par exemple les croyances religieuses, qui participent à construire ce que Hannah Arendt appelle un monde humain qui d'une certaine façon se superpose au monde naturel préexistant. Ça, c'était le rappel des cours précédents sur la culture. La notion d'histoire introduit un aspect dynamique dans notre étude de la culture. La culture humaine n'est pas un fait statique, uniforme et fixe. Elle se diversifie à la fois dans le temps et dans l'espace. Les techniques de production, les formes de coopération évoluent, les institutions et les représentations se transforment au fil du temps, les sociétés humaines interagissent les unes avec les autres. La notion d'histoire nous amène donc à réfléchir sur les transformations de la culture au travers du temps, au sein des différentes sociétés humaines. Dans le cadre du cours de philosophie, on va d'abord s'interroger sur l'histoire en elle-même. Qu'est-ce que je veux dire par l'histoire en elle-même ? Je veux dire l'histoire en tant qu'ensemble des faits passés, hein, puisque on désigne par cette expression en premier lieu la totalité des événements qui sont arrivés aux êtres humains à partir du moment où ils ont commencé à utiliser l'écriture. On va distinguer l'histoire d'une part de l'évolution, c'est-à-dire le processus naturel de transformation et de diversification des espèces vivantes, qui lui est étalé sur des millions d'années. Et on va distinguer l'histoire de ce qu'on appelle la préhistoire, c'est-à-dire la très longue période, hein, qui, elle, s'étale sur plusieurs dizaines de milliers d'années, pendant laquelle les premiers êtres humains et leurs proches cousins hominidés ont vécu sans maîtriser les moyens de conservation de traces écrites de leur vécu. On considère que l'histoire commence avec l'invention de l'écriture, il y a environ 8000 ans en Mésopotamie. L'écriture, elle, va permettre aux êtres humains de faire état des faits qui se sont produits, de préserver les événements et l'ordre chronologique selon lequel ils se sont produits. Les plus anciennes formes d'histoire qu'on connaisse, par exemple, c'est en Chine, les ouvrages de Sima Tian, qui sont des chronologies, hein, année par année. On retrouve ça aussi dans différentes civilisations. Bon, même si les premiers écrits historiques, en fait, ce sont plutôt des documents administratifs, hein, ou économiques, par exemple en Mésopotamie, voilà, les premières traces de documents écrits, ce sont des relevés de têtes de bétail ou de quintaux de blé. Voilà, donc c'est ça le point de départ. On retrouve un peu notre idée, le point de départ de la culture, c'est l'exploitation de la nature. Bon. Par la suite, en fait, l'écriture, ce qu'elle va permettre aussi aux êtres humains, c'est d'interpréter rétrospectivement leur passé et de penser leur devenir. Bon, ça va vraiment arriver peut-être un peu plus tard. Bon. Donc, quand on considère l'histoire en elle-même, qu'on s'interroge sur ce qu'est l'histoire en tant que phénomène, On va chercher à comprendre ce qui détermine ce devenir de l'humanité, on va chercher à étudier les processus à l'œuvre conduisant à la transformation des sociétés au cours du temps. On va s'interroger par exemple sur les causes, voilà, quelles sont les causes prédominantes, est-ce que ce sont des causes plutôt d'ordre économique ou bien des causes d'ordre plutôt, on va dire, intellectuel, c'est-à-dire dans quelle mesure la religion ou la science, la connaissance influence le devenir d'une société. Et donc, ça nous amène à réfléchir sur le sens de l'histoire. Donc le sens, c'est ambigu, c'est de savoir est-ce que c'est la signification des événements, mais aussi leur direction, d'une certaine façon. Pourquoi? Parce que les hommes ont rencontré une grande difficulté à ne pas considérer seulement l'histoire comme une collection de faits, une suite un petit peu absurde d'événements. Ils ont cherché, en fait, à rendre ce devenir intelligible, à lui trouver un sens, et à déterminer une logique dans l'enchaînement des faits. Et ça, c'est un petit peu ce qu'a fait ce qu'on appelle la philosophie de l'histoire, ce qu'on étudiera un peu dans la suite de ce cours. Bon. Il y a un deuxième grand aspect, une deuxième grande manière d'aborder l'histoire, c'est pas l'histoire en elle-même, c'est-à-dire l'ensemble des faits passés, c'est l'histoire en tant que discipline, l'histoire en tant que récit. L'histoire, qu'est-ce que c'est? C'est le récit des événements passés. Ce ne sont plus les événements eux-mêmes, c'est le discours produit sur ces événements. Il faut rappeler que le mot histoire, il vient du grec historia, qui signifie l'enquête. C'était le titre d'un ouvrage d'Hérodote, hein, qui est considéré traditionnellement comme le premier historien dans la culture occidentale. Et pourquoi Hérodote? Bah parce que contrairement à d'autres auteurs antérieurs, d'autres auteurs grecs en l'occurrence, comme Homère ou Hésiode, l'objectif d'Hérodote n'était pas de produire un récit poétique relatant des mythes, comme on trouve voilà, dans l'Iliade et l'Odyssée, l'objectif d'Hérodote, c'était de préserver, je le cite, préserver de l'oubli les actions des hommes, de célébrer les grandes et merveilleuses actions des Grecs et des barbares. L'idée pour Hérodote, c'était de construire un petit peu un récit commémoratif et laudatif, hein, comme une sorte de mémoire écrite, gravée dans les textes, afin de cristalliser les événements dans le temps. Donc ce qui peut apparaître, bon, c'est un petit peu éloigné de la perspective de l'histoire moderne, mais ce qui va y avoir, pourquoi est-ce qu'on le considère quand même comme un historien? Ben parce que même s'il y a cette dimension un petit peu laudative, commémorative, en même temps, Hérodote, il a fait un travail de recherche. Voilà, il a beaucoup voyagé en Grèce, en Asie mineure, en Égypte, pour recueillir des données et essayer de les fixer dans le texte, pour préserver cette mémoire, hein, avec cette idée que voilà, il y avait une nécessité de conserver le souvenir de faits, face à l'idée que voilà, les sociétés humaines, d'une certaine manière, elles sont éphémères, elles sont soumises à la ruine, à l'oubli, hein, ça, c'est un petit peu cette représentation qu'avaient les Grecs. Donc on a des sociétés humaines qui, d'une certaine manière, sont mortelles, face à une nature immortelle. Et donc, il y a un petit peu un devoir de l'historien, enfin du préhistorien d'une certaine façon, à préserver ce souvenir. Alors, à partir de cette première forme d'histoire, bon, ben, progressivement, beaucoup plus tard, hein, mais progressivement, l'histoire elle a fini par se construire un petit peu comme une science, hein, comme une science des faits passés, opposée à cette mémoire collective. On voit chez Hérodote, c'était pas vraiment très distingué, histoire et mémoire. Mais au fil du temps, et surtout au cours des deux ou trois derniers siècles, on a essayé de constituer vraiment une science historique qui soit distincte de la mémoire. Donc ça, vous avez vu ça dans votre cours d'histoire. Hein. La mémoire, c'est le passé qui est encore à l'œuvre dans le présent. La mémoire, ça cristallise des expériences vécues. Hein, et donc, elle a une dimension qui est toujours un petit peu passionnelle, sentimentale. On peut avoir aussi une mémoire collective, hein, ça va être des souvenirs partagés qui jouent un rôle très important dans la construction d'identité collective, qui permettent de raffermir les liens entre les membres du groupe. Mais la mémoire collective, ça attise aussi souvent les conflits, hein, les ressentiments. Et donc face à cela, eh bien, y a les historiens se sont aussi penser comme des scientifiques qui ne voulaient pas simplement construire une mémoire collective, qui ne voulaient pas simplement commémorer le passé, mais qui voulaient construire des connaissances objectives. Hein. Voilà, ils se sont pensés comme des scientifiques qui doivent établir des faits et établir comment ils se sont produits de façon objective. Au travers de l'histoire, nous allons ainsi amener à nous questionner de façon plus générale sur le statut des sciences de la culture, hein, ce qu'on appelle aujourd'hui les sciences humaines et sociales, comme l'économie ou la sociologie. Donc, comme les sciences de la nature, les sciences sociales ont été élaborées en tant que disciplines fondées sur des méthodes rigoureuses, permettant d'établir des connaissances de leurs objets. Cependant, bah, ça c'est la particularité de ces sciences de la culture, bah, c'est que le sujet connaissant, le savant, bah, il est lui-même impliqué dans son objet, parce que c'est un être humain. Donc lui aussi, il a des valeurs, lui aussi, il a une culture, hein, c'est ça, il est impliqué dans une culture. Et donc, le problème va se poser, celui de l'objectivité de ces sciences de la culture et donc l'objectivité de l'histoire. On va essayer de réfléchir à ça. Voilà, donc ce sont les deux grands aspects de l'histoire qu'on va étudier. L'histoire en elle-même, c'est-à-dire l'ensemble des faits passés, et l'histoire en tant que discipline, c'est-à-dire la discipline historique qui étudie ces faits passés.